nalizaka boni matena ashanga na komi nakanga mana dankona lelaka Vraiment, on a dit, mais d'ailleurs, quoi, ma jolie continue. On te rend pas si d'accord.